mère. Oui, Josiane, je dois te laisser. L'émission Errance Renaldienne commence à l'instant. Oui, on va... Le générique va partir, là. Je te reviens dans 2 heures. Ben, tu iras prendre un bon bain d'eau chaude, là. Ou prends ton bain, mais pas d'eau. Attends-moi. Ben, pas dans le bain, là, mais au téléphone. OK. Ou si tu veux, tu peux synthoniser le 89 virgule. Non, c'est 89.1. Non, c'est pas... C'est à Honolulu. Oui, comme Fifi Brin d'Acier. 89.1 Honolulu. Non, c'est plus à Québec. Non, il est parti, oui. Le citoyen est heureux et surtout en grande sécurité. Ben, ça fait un demeuré de plus qui a été expatrié et qui ne reviendra jamais. Oh, aujourd'hui! Hey, ça fait peur. En plus, ça me concerne. Le lundi 27 janvier 2020, monte le volume et hume la différence car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Renaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Christian était dans la sienne. Point final. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Christian était dans la sienne. Non, mais c'est parce que j'ai pris une phrase à l'envolée et j'ai juste choisi la dernière petite ligne que disait ce roman. Christian était dans la sienne. Donc, pour connaître d'où vient cette phrase, ça commence par « Et que la main de Christian était dans la sienne. » Hey, on dirait que je pige tellement, là. Je t'éclairais en pleine nuit. Ah oui, je suis comme un lapin pris dans un phare. Mais si tu peux... Oui, on va commencer par Pauline. Pauline ne ressentait aucune fatigue. Elle avait juste conscience qu'il était très tard et que la main de Christian était dans la sienne. Oh, là, ça commence à s'illuminer, là. Là, j'ai le goût d'en connaître davantage. Qu'est-ce qui se passe dans ce beau roman? Ben là, il faut le lire, là. C'est de Claire Vassé. Bientôt, la bête sera morte. Ouh! Quelle bête s'agit-il? Monsieur, c'est vous, ça? C'est votre autobiographie? Ah bon? Je croyais que c'était Que la bête meurt. Un film de... Que la bête meurt est un film de... Mais on l'a tué le public ce soir-là? Oh, laissez le temps, respirez un peu. La nuit est jeune. André aussi. André le jeune, la nuit est jeune, André le jeune. Ah! Même André ne se souvient même plus de son prénom. Et puis, c'est de qui? On va oublier ça. Y a-t-il des choses qui se passent dans le monde et qui nous surprendra tout le temps? Moi, Reynald Gagné, je me trouvais devant mon ordinateur. Je regardais mon clavier. Tu sais, je me disais, c'est beau ces touches-là. Je peux-tu placer mes mains là-dessus sans me faire arrêter par la police? J'ai une voix qui m'a dit, il n'y a pas de problème. Pas de problème, c'est de l'électronique. C'est de l'informatique. Mais là, ça dépend des sites que tu vas visiter. Oh non, mais moi, là... un message d'Internet juste pour une chose, pour aller de même. Pardon? Mais oui, mais non, non, non, non. Ah oh, oui! Oui, mais non, non, non, non, non. Mais n'est pas les neuf. On n'a pas acheté neuf, j'en ai acheté un. Oui, OK. Vous en avez acheté un? Oui, j'en ai acheté un. Ah, il est bon, mon ordinateur. Il est bon, il fonctionne bien, mon ordinateur. Mais moi, j'ai dit au monsieur, hein, j'ai dit, monsieur. Il m'a dit oui. J'ai dit, OK, merci, bye, à la prochaine. Là, je suis rentré à plusieurs reprises. Hein, je voulais comme me faire apprivoiser. Et puis, ben, parce que ben, c'est comme ça. Hein. Plus on te connaît, plus on va te baisser ton prix. Si tu es un pur étranger, tu vas payer la grosse somme. Non, j'ai l'air innocent comme ça, mais c'est pas si mal. Je connais les rouages de la société occidentale. J'ai lu tous les livres, dont un qui m'a vraiment très intéressé et qui s'appelle, je sais pas si vous le connaissez, c'est de M. Marx, Karl, Le Capital. Intérêt et capital. Mais il n'est pas prêteur, lui, hein? Ça, c'est son défaut. Mais il a demandé à l'autre, là, qu'est-ce qu'il faisait à tourner les pages. Ben, il dit, moi, j'écris ce qui me vient par la tête. J'écris toutes mes réflexions d'insomniaque. J'étais un frustré de la société. J'avais le choix, comparativement à 99% du peuple qui arrête pas de dire une phrase qui m'arrache les oreilles et que je vous dis, in vitam paperman, j'ai pas le choix. Oui, t'as le choix, man. T'as le choix, woman. T'as le choix, fille. T'as le choix, garçon. T'as le choix. Prends-le, ton choix. On n'est pas des esclaves, mais plusieurs, sans le savoir, le sont. Il y en a plusieurs, hein? Je pourrais vous les nommer. Mais ce serait plus simple, oui, beaucoup plus simple et rapide. Je commence à turluter, moi, là. Ça commence très bien. J'ai encore des relents du premier. Lettre à Élise. C'est long, ça finit jamais. Ça peut durer 25 ans. Dans le Guinness, là, il y a Timothée Baldwin. Timothée Baldwin, qui, lui, a joué Lettre à Élise pendant 675 années. Même si vous me dites que c'est impossible, il est mort durant ce temps-là. Non, il est ressuscité pour continuer. Ça t'angoisse. Et moi, j'ai été 3 semaines à avoir ça dans les oreilles. Je prenais mon café. On dirait que les gouttes suivaient le tempo. Je m'en vais voir mon docteur. J'ai un docteur. J'ai la lettre à Élise là, dans les oreilles, dans le tympan, dans le cortex sérénal. Je commence à en avoir mon sérénal. Je sais pas comment faire pour m'en sortir. Il dit continuez, continuez. Non, ça sent le surette. Ça sent la dégénération civile, ça sent l'anarchie, ça sent pas bon. Ça sent le bout du rouleau, ça sent la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Là, ça devient métal, là, tu sais. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Et tu dis, oh, mon Dieu Seigneur. Oh, préparez-moi, oui, 2 pains. Rôti, certainement, avec du beurre, pas de margarine. Je suis anti-margarine. J'ai-tu de la... Hey, regarde-moi, là. J'ai-tu une face de margarine? Bon, mets-moi du... Oh, j'ai fait... Oh, je sais le 25 à CQRL. J'ai pris les nasses à la margarine. Ben, écoute, présente-moi quelque chose que j'haïs, ça va sortir drette, là. Pas là, mais drette. Ça courbera même pas. Je suis pas un joueur de baseball. Moi, une balle, je suis pas capable de courber ça. Quand je tire tout droit. Tu sais, je fais pas des manœuvres, comment t'appelles ça, des manipulations de boules. Oui, j'en fais des manip. Oui, excusez-moi. Oui, mais ça, c'est... Exactement. C'est quand je fais du plein air. Je manipule des boules. D'un parc public. Je joue de la pétagne. Pensez autre chose, hein? Qu'est-ce qui se passe, mon Raymond? Ah ben, c'est parce que le monsieur, il y a quoi qui perd la carte avec lettre à Élise? Non, mais essaye de lire la lettre à Élise. Elle se lit même pas à ses côtes. Vous saviez pas ça que Mary Poppins était à Woodstock en 70? Il y a bien des affaires que vous saviez pas. Je suis là pour vous renseigner. Pas vous enseigner, vous êtes tellement cultivé plus que moi. Ah, et moi, là, souvent, je me regarde dans le miroir. Puis là, j'ai appelé parce que, exactement, je me suis fait livrer un miroir. Un miroir. Je l'installe dans ma cuisine, tu sais. Et ben oui, j'aime ça, moi, me voir cuisiner. Parce que je me crois pas, hein? C'est moi qui ai fait ça, j'ai réussi, c'est comme mes toiles. Je peinte aussi. Ben, peintre. Je crache de la peinture sur une toile. Et j'aime bien le terme cracher. Où je laisse s'exprimer la couleur. Un peu comme mon émission qui, elle, à travers les mots, se fraye. Se frais, se frit, se froid, se frit, se faux. Le papin, le poubou, le pupu. Se frais, se cherche, se trouve aussi. Marche. Rampe souvent. Mais le but, c'est qu'elle se relève, qu'elle regarde le ciel et qu'elle dise « C'est moi! » Non, vous pensez quelque chose de... Hein? Non. Ça peut être plein de choses. À un moment donné, j'étais sur Internet. C'est rare, ça, là. Je travaille sur un ordinateur. Quand tu travailles sur un ordinateur, tout le monde s'imagine que tu es sur Internet. Hey, ça fait 3 heures que tu es sur Facebook. Alors, je jette un coup d'œil, mais je bosse sur mes émissions, je bosse sur mes photos, je bosse sur ma création en général, qui peut être audio. Visuel et pas audiovisuel, mais audio, point, visuel, point, poétique, point, narrative, point, nouvelle, romanesque, point. Parce que dans le romanesque, dans le sens que il y a de la nouvelle qui peut s'écrire. Je préfère ça au roman pour 2 raisons. La première, c'est que c'est rapide, un peu comme une chanson punk. Ça rentre dedans. Tandis que le roman, je dis pas que... Je renie pas le roman. Moi, je peux lire un livre de bientôt la bête sera morte, qui compose de Madame Vassé, qui compose combien de pages? La version originale, je me suis acheté la version originale, là. 188 pages. Mais il faut que l'écriture, madame, soit un peu pas très grosse là quand même, mais plus grosse que naturelle. Ça, c'est juste dans les livres que je recherche ça. Dans la vie, au contraire. Je cherche les gens naturellement. heureux, brillants, intelligents et qui veulent. Et ça, c'est pas vraiment rare, mais qui veulent partager. Là devant son micro, puis il se disait « Comment ça, Internet veut pas me parler? » Ben, je dis « Parce que t'es pas devant l'ordinateur, là. » Ben, tu dis « Je suis devant un média! » Ben oui, mais non, le micro, c'est pas un média, là. C'est une source sonore qui peut péter aux frettes. Péter aux frettes. C'est une expression québécoise. De chez nous. Ben, j'espère que tu viens pas d'Honolulu. Quoi que j'ai dit que Honolulu est une visée pour moi pour recommencer ma vie. Puisque j'en ai besoin, je dois devenir anonyme. On m'a dit, t'as brassé assez d'idées au Québec. T'as fait, comment qu'elle appelle ça, donc? Attendez que je me souvienne. Une tempête d'idées. J'en ai parlé le 25, si vous m'avez écouté. Je pourrais même vous faire jouer le truc. Mais non. Mais je sais pas. C'est une idée qui me trotte dans la tête. Quand ça trotte, c'est pas arrêté. Donc, hein, y a quelque chose qui se passe. Jusqu'à la fin de ma vie, j'espère qu'il y a un petit poids qui va continuer à tourner. En parlant de petits pois, non, je peux m'arrêter là parce que si je fais la liaison avec l'autre, il va dire, hey, il me traite de petit pois. Mais hey, t'es un petit pois numéro un, là, hein? Venu de Sibérie Atlantique. Tu, ta force à toi, là, quand tu viens de Sibérie Atlantique, c'est que c'est une région qui n'existe même pas. Je viens de l'inventer. Donc, tu es la genèse d'une création qui, maintenant, prend forme. Et ça fait peur, là. On dirait que... Il est-tu dans une secte? Non, je ne suis pas secte. Non, t'es très doux. Non seulement, c'est pas ça la question. On n'a pas dit secte, on a dit secte. Ah, ben je me mets de la crème, il me semble que je suis pas si sec que ça. Non, pas séché, c'est une secte, un mouvement religieux. Fais-tu partie d'un mouvement? Je suis vivant, donc je bouge, je m'ouvre à l'univers. Oh, c'est s'il s'ouvre à l'univers. Oh, ben, regarde-moi l'autre, là. Hein? Tu te prends pour Guinimard, que l'univers, tu te libères de tout, toi. Tu te libères de tous tes mots à travers des expressions et surtout des structures langagières qui te forment quelque chose d'assez abstrait. Ben, si un jour on doit souvenir de moi, j'aimerais qu'on dise Reynald, l'être le plus abstrait du Québec. Au Québec. La différence entre du et au, très important. Du Québec, bon, c'est éparpillé, mais au Québec, là, wow, là, on vient de focusser, on vient de placer un doigt là-dessus. On a limité, non, on a pointé l'endroit. Ça, c'est important. Pointer l'endroit. Tu sais, c'est pas flou, là. L'abstrait n'est pas flou. C'est pas parce que tu comprends pas une écriture qui explose, ou une peinture qui explose, ou un film aussi, surtout des films, aussi des films qui explosent. Selon moi, puis là, je n'ai même pas vérifié, puis je ne crois pas qu'il serait favorable à ce que je lui dise ça, Jean-Luc Godard fait du cinéma abstrait. Bon. À bout de souffle, son canon, son grand film, mais pour moi, le meilleur que j'ai vu, j'en ai deux qui sont dans ma hiérarchie. Il y a Soigne ta droite, pour des raisons politiques et aussi pour les rites médicaux, surtout pour les rites médicaux. Mais aussi, quand je vois un personnage qui marche avec Chirac en dessous du bras, je trouve ça super rigolo. Et je suis tout seul à trouver ça drôle. Là. Quand j'étais là au cinéma à l'époque, là, les gens me regardaient, qu'est-ce qui se passe là? Il y a juste une silhouette en dessous du bras. Mais la silhouette, ça a un nom, là. C'est un personnage, c'est un homme politique. C'est rempli de symbolisme. Comme tout le reste, si t'as pas la vision de ce que tu vois, t'es anéanti. Et je crois sincèrement que quand on parle d'abstraction, on veut laisser la place à l'imaginaire et plusieurs personnes se sentent dénudées face à ça parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils ne veulent pas se laisser imbiber par ce qu'on leur présente. Donc, ils ont une vision très dure, très sec, très violente, le rejet. Quand tu ne comprends pas, tu rejettes. Mais quand tu es un tantinet intéressé, ben là, tu dis, pourquoi ça me rebute? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, dans cette chanson-là, dans cette création-là qui m'agace autant? Et là, même pas besoin de psychanalyse, tu vas comprendre si tu cherches, si tu grattes, si tu fouilles, si tu n'as pas peur de te blesser, parce que dans une recherche, il y a un risque. Peut-être quelques gouttes, peut-être, je dis ça comme ça, risque de couler, soit des gouttes émotives, des gouttes qui te fera réfléchir à nouveau sur ce que tu as vu, lu, entendu, et même écrit. Tu sais, ça peut être toi aussi qui... Le soir, là, je connais Bernadette Michaud, 29 ans. Oui, Bernadette, 29 ans, oui. Qui écrit son journal de bord. Son journal intime, mais plus un journal de bord, mais c'est bien sûr que dans... c'est comme Guy Debord, là. Dans le bord, il y a la vie intime. Elle se dévoile. Elle n'a pas peur de se dévoiler. Mais le problème, c'est que son livre, son cahier, son journal secret, il se barre pas. Puis même quand tu peux t'en procurer là, qui se bloque, tu sais, mais ça ne fonctionne pas toujours. Bon, vous dire pourquoi, c'est pas sécuritaire. Il faudrait mettre l'alarme là-dessus, là, hein? Si quelqu'un paye sa pitoune, au pire encore. De mes névroses, elle est ma pure claire comprimée dans mes soirées, dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est par la poésie. Les enfants comme les oiseaux, chip chip, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées, une nouvelle idée. Elle est le radeau qui m'amuse, elle est ma muse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale, mon incendie, mon petit coin de paradis. Oh, elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, chip chip, c'est fini. We'll be right back. Hier j'ai bu comme un chien sanglant. Aujourd'hui, ma tête danse le French cancan. La vie est trop courte pour être petit. Est-ce que l'anarchie est de la nostalgie? Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me, save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me, save me. Je suis avec tout le monde, mais avec personne. Et je ferme ma gueule quand je suis toute seule. L'esprit peut faire mal quand on pense. Les pieds quand on danse. Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me, save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me, save me. Yo. Mais j'aime encore Elvis. Les jolies chansons ne tuent pas la réalité. Maintenant je paye mes conneries du passé. Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me. Save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me. Save me. Et 85% végétarienne. Son amant, il s'appelle Maurice. Un charcutier spécialisé dans les saucisses. Son mari est un sportif. Avec les cuisses d'un cycliste. Et 100% macrobiotique. Et aussi photogénique. Pour détruire sa tristesse. Elle chante. Vive les saucisses de Maurice. Avec les fesses d'une danseuse. sa tristesse. Elle chante. Vive les saucisses de Maurice. Elle préfère les matchs quand ils dorment. Elle a l'air d'une femme qui consomme et qui fait le bordel dans la tête des hommes. Ah, pour des pizzas, tristesse, elle chante. Saucisses de Maurice. Pour détruire sa tristesse, elle chante. Vive les saucisses de Maurice. Elle chante. Vive les saucisses de Maurice. Elle chante. Oh. Vive les saucisses de Maurice. Salut Marianne. c'est pas grave demain. Au stand, bonsoir. L'alarme là-dessus. Juste le doigt. Si les empreintes digitales ne sont pas reconnues, ça commence à sonner. Là, à un moment donné, hein, l'auteur des textes, du propos, de la réflexion et de sa vie qui se trouve là-dedans arrive. Qui dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, je faisais le ménage. Ben ouais, non, mais t'as touché au livre, là. Oui, mais j'ai juste voulu le déplacer. Non. T'as mis le doigt à l'endroit où se trouve la serrure. J'ai jamais fait ça, moi, là. Tu m'accuses, non? Ben non, je t'accuse pas. Parce que si tu laisses 30 secondes, quelque chose, soit, je sais pas, là, n'importe quoi, une clé ou ton doigt ou un carton joué là-dedans, ça se met à sonner. J'ai rien entendu sonner. Hey, t'as pas entendu, toi? Oui, je l'ai entendu. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais tu m'intrigues, hein? On s'aime depuis 2 semaines, puis je sais pas qu'est-ce que tu veux dire dans ton livre, puis je sais pas, comment tu trouves, comment tu sens notre relation? Non, il fallait que tu me la demandes. De deux, Rentrer dans mon jardin secret, c'est tout à fait inacceptable. De 3, mais ça marque presque la rupture. De 4, comme je suis un garçon ouvert, nous allons en discuter. Nous verrons où notre couple se dirigera dans les prochains dans les prochains épisodes. Des épisodes. Non, parce que là, on veut faire un peu d'argent. Je voulais pas non plus te... C'est ça, l'histoire, là. Je voulais pas te déranger là-dessus. Mais on m'a approché. Ah bon? Comment ça? Ben, on m'a approché pour faire une série. Tu sais, une série, ça veut dire plusieurs segments de ma vie. Et puis, donc, j'ai cru bon, là, placer des caméras, puis te filmer. Bon, je le savais, je t'avais vu, là, tu sais, c'est comme une caméra cachée, puis... Hey, tu m'espionnes, toi! Non, non, hey, fais pas l'arroseur arrosé, OK? T'as voulu ouvrir mon livre, d'un, journal intime, de deux, quelque chose qui est très personnel pour ma nature, point final. Puis là, viens pas te défendre, parce que te défendre, c'est t'accuser. Comment? Te défendre? Non. Te défendre, c'est de t'accuser toi-même. Tu comprends pas, là? On va en mettre de la garniture. T'en veux-tu de la garniture? Non, non, pas besoin de garniture, moi. Parce que ça donne mal au moins, mais moi, non, mais moi, je me dis, non, arrête donc, là! Ça fait que l'histoire, si tu veux que ça se poursuive, ça me dérange pas. Pour la série télévisée, ce serait bien que ça se... Mais si tu veux couper, tu coupes! Sinon, on part l'émission là-dessus. Puis on va faire, tu sais, comme une nomenclature. Pourquoi ça s'est passé de même jusqu'à présent? Puis après ça, ben, on va voir le futur. Puis on va se marier, on va avoir des enfants. On va partir à Tombouctou. Puis on va jouer avec des frisbees puis des soucoupes volantes. Mais comment tu peux jouer avec des soucoupes volantes? Ben, on va aller sur Mars, là! Dans 3 semaines et demie, ils vont faire le premier vol sur Mars! Et ça va-tu, toi? Ah non, non, je suis un peu décalé, toi. Mais je suis un peu décalé. Il faut dire que j'ai eu une grosse semaine. Raymond, on est arrivé, tu savais bien? It tries, it'll cradle all night. aujourd'hui, le lundi. Pardon? Oui. OK. Il en reste une. Bon. Non, c'est... Vous êtes la reine, madame. Certainement. On va vous la faire jouer avec grand plaisir. Committed no crime and bad mistakes. I've made a few. Fortune, everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Heureux maintenant dans le rock and roll. Vous avez entendu la version que j'ai voulu vous offrir, madame. Êtes-vous contente? Bon. Alors, est-ce que je peux introduire mon invité avec grand plaisir parce que c'est un ami très cher à mon cœur puisqu'il accepte à chaque fois de venir passer quelque temps en ma compagnie. Alors, on y va. Aujourd'hui, le lundi 27 janvier 2020, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée. Ben oui, les valises trop lourdes, hein, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Renaud Bernal pour la deuxième fois, puisque le vin du vin, nous étions avec lui. Et aujourd'hui encore, oh, quelle belle magie! Alors amusez-vous bien, voici un être que je trouve exceptionnel, Renaud Bernal. Dans la soirée en hommage à Shakespeare, tu t'y distingues par des sourires. Il s'enfile en de salle en salle, griffant ceux qui veulent t'attirer loin de moi. Cette robe noire qui te colle à la peau, ton colibri de tous ces joyaux, les pas rythmés qui te conduisent vers moi, me troublent, me séduisent, me donnent envie de toi. Minette Shakespeare, dans ses délires. Minette Shakespeare, danse et délire. La douceur de ton corps, tu danses près de moi. Ce parfum enivrant pour captiver tes proies. J'essaye de t'embrasser, j'ai frôlé le pire. Toi contre mon désir, il faut que je respire la sensualité de tes yeux verts, l'appel de ton corps, ta robe à défaire. Je veux t'aimer plus que te séduire. Minette Shakespeare, tu files dans un sourire. Minette Shakespeare, dans ses délires. Minette Shakespeare, danse et délire. Shakespeare, dans ses délires. Minette Shakespeare, danse et délire. Hey Minette. Oh, oh, oh. Minette Shakespeare. Oh, oh, tu danses, tu délires. Oh, oh, oh, Minette Shakespeare. Oh, oh, danse et délire. Oh, oh, Minette Shakespeare. Oh, oh, oh, tu files dans un sourire, y'a que moi pour en rire. Oh, oh, oh, Minette Shakespeare. Oh, oh, oh, Minette Shakespeare. Alors l'accueil est vraiment très favorable. Et, ouais. Et tu te dis, imagine l'album, comment les gens vont... Écoute, après c'est... Veux-tu c'est... trouver un label? Veux-tu trouver quelque chose? Bah oui, on va voir ce qu'on va voir. Avec Boris, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. On va voir ce qu'on peut faire ensemble, si tu veux, derrière... Parce qu'on lui a rendu hommage avec un double album que j'ai à la maison, de Boris Bergman. Ouais, le triple, là, le... Ah oui, oui, le triple, exactement, la chaume, là, c'est vachement bien. Oui, c'est super bien. Donc on verra comment on peut... Mais tu vois comment il est éclectique, il a écrit pour Pelle Soussa. C'est là qu'il, c'est ça qui l'a propulsé. Incroyable. Puis après, mais si on dit Bachaud, oui, mais... Il y a tous les autres. Il y a tous les autres. Il ouais, y a le avant et après, quoi. Oui. Et c'est assez incroyable. Assez et puis incroyable. Comment les proches l'ont jeté. Hein, ouais, la France, elle a... Mais il ne s'est pas non plus arrêté là-dessus. Il continue, il fonce. Et c'est pour ça que, disons que... il t'a pris sous son aile parce que t'es vraiment le style qu'il veut peut-être envisager pour les prochaines années? Je sais pas, ça je peux pas le dire. Tu veux pas lui demander, c'est trop gênant. Et puis je savoure tellement ce qui se passe. C'est pas important. Non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'instant présent. Quoi. Oui. Et il est vachement instant présent de toute manière. Et moi aussi, tu me demandes de... Il n'y a que pour les concerts, si tu me dis, tiens, dans 6 mois, tu vas jouer à tel endroit, je te dis OK. Et si tu me dis, qu'est-ce que tu fais demain soir, je suis perdu. Quoi. Exactement. Donc ça, c'est vachement bien. Mais non, c'est très, très jolie chanson. Est-ce que ta musique, parce qu'une fois, tu es musicien, alors oui. Tu écris tes propres musiques, est-ce qu'elle a évolué ou elle suit un courant folk que tu caresses depuis des années? Parce qu'on sait que tu es... Que tu as des références très très fortes. Elle évolue dans le sens où le côté rock, si tu veux un peu rentre dedans, vient derrière. Okay. Il vient derrière pour parce que le tempo change, les tempos ralentissent, et pour laisser une meilleure osmose texte-musique, texte-mélodie. Alors la rythmique est assez... Ouais. Et j'ai changé, au niveau du jeu de guitare, je change aussi. Quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Entre les lignes a été le premier disque, donc ça a été la carte de visite. Bien sûr. Tu l'as fait beaucoup sur scène, donc ces chansons-là ont vécu. Et tu sais un peu comment ça fonctionne et tu as pris un style de scène. Au début, tu ne savais pas trop comment t'animer. Non, aujourd'hui, on sent que tu as une présence. La vidéo que tu as faite de ton concert, on voit que tu es à l'aise. On te sent, mais là, ça doit être encore de plus en plus vrai. Puis Boris Perman doit t'encourager. Bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que j'ai gagné en assurance, j'ai gagné en, donc, au niveau du. Et d'un. Par professionnalisme un peu plus de aussi. Oui, bien sûr. Un peu plus exigeant dans le son aussi, dans les concerts, dans la prestation, dans le. Non, j'ai. Ouais, dans le ressenti aussi. Dans le ressenti, bien sûr. Oui, dans le ressenti. Ouais. Ça, c'est clair. Et arriver à. Beaucoup plus me libérer et à penser sur la chanson. Voilà, l'instant de la chanson. La prochaine, c'est la prochaine. Avant de venir ici à Paris, j'ai réécouté 3 fois ton spectacle. Oui. Pour me mettre un peu dans le bain parce que j'adore ce que tu fais. Je dis plus comme tu le dis régulièrement. Merci. Et donc, je me disais, tu es un gars de transe parce qu'on voit souvent que tu rentres en transe quand tu joues. Tu sens. Tu sais, t'es même plus dans une salle, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, c'est toi et la chanson. Oui, ça, je m'en fous. Es-tu de plus en plus comme ça, avec ce qu'on te propose comme... Je crois que, si tu veux, je... Boris Bergman amène ça aussi. Je pense qu'il m'a amené ça aussi, encore plus dans le sens où essayer vraiment de faire qu'un entre la chanson, la mélodie, les harmonies, la guitare. Et après le public, le micro, quoi. Et puis quand tu chantes les textes, vraiment les textes avec Kiara, qui restent toujours de très jolies choses, hein. Mais tu les chantes, tu les chantes parce que tu les as construits, tu as aidé à la construction. Là, quand tu chantes les textes de Boris, ça n'a rien à voir. Quand tu lis, c'est une chose, quand tu es dans le micro, ça prend encore une autre ampleur. Je te jure, c'est un truc de dingue. Est-ce qu'il t'a vu souvent sur scène? En vidéo. Okay. En vidéo, ouais. Et puis, est-ce qu'il te donne des directives? Moi, de la place, je me... Non? Non. Le concert. Ouais, puis même d'autres petites vidéos de concerts. Parce que, du coup, je reprends Gaby souvent en concert, si oui. tu veux. Ah oui? Et ça, c'est une chanson de trance, là, quand on dit Gaby. Bah, elle est ça marche vachement bien. En plus, tout le monde la est-ce connaît. Est-ce que c'est lui qui te l'a demandé? Non. Alors, à chaque fois, je demande l'autorisation. C'est marrant. Okay, bah, et il me dit, mais t'as pas besoin de demander l'autorisation. Ouais. Parce que légalement, tu fais ce que tu veux, puisque les chansons ont été faites sur un disque, déjà elles étaient enregistrées, mais... Soyons honnêtes, si tu reprends du Alain Bachon, c'est parce que Bergman est là devant toi, bien sûr. Tu l'aurais jamais sinon je l'aurais pas fait. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Parce que la musique et les chansons d'Alain Bachon, c'est Bachon, mais je ferais jamais du Bachon si je bossais pas avec Boris. Qu'avec ta voix, ça peut donner quelque chose, on va-tu en entendre... Ouais, c'est pas mal, ça marche bien, Okay. Acoustique, est-ce que ça rentre autant? Ouais, ça marche aussi, okay, acoustique. Et on a enregistré toujours avec mon pote guitariste, on a fait juste un truc assez simpliste de guitare, tu vois, et le chant pour 4-5 chansons de Bachung. Je sais pas écouter. Donc il y avait Alsace Blues, on avait fait Gaby, on a fait. Alsace Blues, c'est bien parce que c'est une ouverture à une chanson de scène. Elle relaxe, elle est pas garochée comme on dit chez nous. Elle est plus posée, puis elle laisse l'imaginaire, puis on sent à l'aise de la chanter. Elle est, et puis t'es relâché. Elle est super beau. elle est super belle. Elle oui, est vraiment ça. Belle. Mais tu peux te relâcher aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que je l'ai entendu tellement souvent, je la connais. Ouais, c'est clair. Elle est pas très connue, hein? Elle est moins connue que les principales, quoi. Ouais, c'est mais c'est vrai que j'aime particulièrement les cette chanson. Elles sont sublimes. Sublimes. Ouais, non, c'est. Puis les harmonies qu'on peut faire. La dernière fois qu'on l'a fait en concert, si tu veux, t'avais le guitariste et la main au clavier qui harmonisaient sur les. Falloir que je repousse. En plus, ça fait vraiment Louisiane, ça fait vraiment chanson de presque de la Louisiane. Ouais, c'est la musique là-dessus, Bachelon était vachement fort au niveau oui, de SICK. Ben oui, et c'est génial, quoi. Et quand on a enregistré l'intro, on a fait un petit gimmick, il a fait un petit gimmick à la guitare, et c'est. C'est le même que In the Ghetto, tu sais, enfin le même truc. Oh, oui. Et ça fait un petit clin d'œil supplémentaire pour rock'n'roll. Rock'n'roll, oui. Cette magie-là que tu vis depuis 2 ans et demi, trouves-tu que c'est vraiment tout le travail que tu as mis depuis le début et tous les problèmes que t'as croisés pendant cet album-là premier album? Et tout. C'est vraiment une vraie récompense sur toutes les années passées, à tous les niveaux. Mais ton deuxième album, on peut dire que c'est l'album de la maturité? Ah ben, par rapport au premier, ouais. Par rapport au premier, dans la manière de chanter, je pense qu'il y a eu une voix vachement plus posée, dans la manière de jouer de la guitare, dans la manière des arrangements aussi, il n'y a plus rien à voir. Quoi. Mais cette façon-là, as-tu modifié sur scène les chansons que tu fais de l'album Entre les lignes? Non, pas trop. Au niveau de la basse, j'ai fait changer certains trucs au niveau de la basse, parce qu'en fin de compte, je trouvais que c'était trop chargé. Donc on a modifié, je me dis, fais-moi des basses plus simples. Et on garde le côté. Non, j'ai pas féminin. Ouais. Mais j'ai pas trop changé quand même l'ambiance des chansons. Est-ce que tu l'écoutes encore cet album-là? Ouais, je le réécoute. Je trouve comme moi que ça a très bien vieilli. C'est... Alors j'ai tendance à vouloir l'écouter avec un plus de critique si tu veux, mais à chaque fois c'est toujours des jolies chansons quoi. Ah oui. Et des beaux textes quand même, ouais. Même si t'es un peu froissé avec l'auteur. Non, il y a eu un super boulot. C'est-tu revenu cette amitié-là, non? Non, c'est pas okay. Non, on n'a plus du tout de nouvelles d'elle. Elle a disparu du métier, de qui que ce soit, et ceux qui étaient copains avec elle, qu'on a des amis communs qu'on pouvait avoir. Plus personne n'a de nouvelles. Mais c'est quand même un album important dans ta carrière. Bien parce sûr. Que c'est le premier. Oui, et puis si tu veux, grâce à Chiara, elle m'a amené à ne plus penser en groupe, à me dire, mais mon gars, maintenant c'est quoi le chanteur, on peut y aller. Et puis à laisser place au compo, quoi. Je dois avoir, je sais pas, aujourd'hui je dois avoir 45 compos, donc c'est quand même pas mal. Mais quoi. C'est pas mal, ouais. Mais là, tu sais, on parle de toi, mais ton groupe qui te suit et qui voit l'évolution, ils sont aussi dans le rêve autant que toi, ils sont dans le bain. Tout le monde est vachement content. Tout le monde est vachement content parce que les. Ils travaillent davantage de un. Ouais. Ils jouent de la musique beaucoup plus souvent qu'avant. Par contre, ils trouvent que du coup, les chansons sont plus rock. OK. Par rapport au premier album. Et c'est ce que tu voulais? Ben en fait je ne l'ai pas cherché, okay. Mais c'est ce sont les textes de Boris qui amènent le côté plus rock. Même si. C'est ça. On a les mots qui sonnent et qui donnent envie. Guitariste me disait, putain, j'ai vraiment envie de rentrer dedans quoi. Tout tremble comme un mirage. Mon corps est à la rage. Car Impero sautait. Or et Mercure s'y font la guerre. Toutes les rumeurs lui bronzent. Donner rendez-vous. Bouger me fait peur. J'aimerais partir, mais aller où? Mon ange, les murs transpirent. Car une peur sautait. C'est l'air de rien, leur temps fini. Un vieux ventilateur. brasse un minuscule enfer, piégé de chaleur. Toute l'eau en moi me rend poussière, décor de faits divers. Karim Perrault-Sautel, marque au fer rouge comme un éclair. Tout tremble comme un mirage, mon corps est à la rage. Karim Perrault-Sautel, or et mercure s'y font la guerre. Les rumeurs du Bronx m'appellent au dernier combat. Ta peau bras zéro libère des flammes qui dansent sur moi. Mon ange, je t'aime en pire. Karim Perrault-Sautel, c'est l'air de rien, l'heure d'en finir. Tout tremble comme un mirage, mon corps est à la rage. Karim Perrault-Sautel, or et mercure s'y font la guerre. Tes cris sont vapeur, tu prends la cadence sur les accords de l'ascenseur. Tu me gagnes en silence, j'entends seulement gémir. Karim Perrault-Sautel, mon ange, je t'aime en pire. Je ne te laisserai pas en sortir. Tout tremble comme un mirage, mon corps est à la rage. Karim Perrault-Sautel, or et mercure s'y font la guerre. Toutes les rumeurs du Bronx. Alors les spectacles, je risque de mouiller la chemise, comme on dit. Oui, il y a intérêt. Parce que il y a intérêt. C'est... Il faut y aller. Si tu mouilles pas la chemise avec des chansons pareilles, ça sert à rien. C'est en fait le premier album qui va adoucir le show plus rock. Ouais, c'est ce qui va rebalancer. Et la chanson, par exemple, entre tes lignes ou des choses comme ça, ça fait vraiment un bon mix avec les nouvelles chansons. Ça s'intègre vachement bien. Tu trouves que le lien va se faire tout seul? Ouais. Puis en plus, sans faire de jeu de mots, ce sera sur les lignes, sur la même ligne, mettant... Ouais, elles se glissent bien, on peut très bien passer d'une... Elles s'emboîtent bien, toutes les chansons s'emboîtent bien dans le show. Alors il y en a certaines que je fais plus du tout. Hein, con à dire, je la fais plus. Pourquoi En fait, il y en a d'autres à faire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si tu habitais en face, je ne la fais plus non plus. Mais ça, parce que c'est aussi par la fainéantise, parce que le texte, il y avait tellement de mots, et puis avec des, okay, avec des F de partout, là, et face à face. Ah ouais, c'était donc ça, c'est, un moment donné, ça si on peut le virer, c'est bien. La linguistique était difficile à gérer. Ouais. Et puis je l'ai fait moins. Puis en fait, il y a toujours Hambourg. Hambourg et Entre tes lignes qui sont tout le temps là. Tu vas la faire ce soir, Hambourg ? J'avais pas prévu. Mais bon, on verra bien. J'ai prévu de te faire au fond des poches. J'avais prévu de te faire au fond des poches, qui est une nouvelle. L'épouvantail et moi. Qui est vraiment une chanson qui sera sur le nouvel album et que j'adore cette chanson. Alsace Blues et une des chansons qu'on a faites pour Lio. Lio. Ouais. Une des tu l'as rencontré, Lio? Non, je l'ai eu au téléphone. Ok. Mais bon, je pense que le disque risque de pas se faire, mais elle avait bien aimé les chansons. Elle est revenue sur Paris parce qu'avant ça, elle habitait en banlieue. Ben là, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais Et là, l'album aura pas lieu? Non, je crois que non. Et c'est dommage parce qu'il y avait une vingtaine de chansons très très jolies. Ok. Est-ce qu'il va te repasser? Non, ça n'a rien à voir. Pardon? Est-ce qu'il va te repasser les textes, non? On va voir, on va les retravailler, on va voir comment on les retravaille. Mais moi, je vais les garder, je vais garder certains trucs, quoi. C'est pas une écriture plus féminine, non? Il y en a une, peut-être, tu vas voir. Je me suis dit, tiens, ça pouvait être un fun de la jouer. Oui, ok, ouais. Oh, oui. Et puis voilà, quoi. Oh, parfait, c'est parfait. Et puis, donc, est-ce que tu fais beaucoup de scènes depuis quelques temps? Un peu moins, parce que j'essaye. En fait, je ne cherche pas à développer la scène, parce que j'essaye d'avancer le studio. Tu suis le maître. Tout à fait. Et puis, avancer dans le studio plutôt que de me dire, il faut aller chercher des concerts. Tu as un album à. Et puis, donc, je n'ai pas trop cherché, j'en ai fait. J'ai fait. Puis, des fois, je joue avec d'autres personnes, tu vois, qui me demandent de venir jouer avec eux, pas très loin de chez moi, des choses comme ça. Donc, je dois faire. Je sais pas, parce que j'ai l'année dernière j'ai dû faire entre 40 et 50 concerts. Ah, c'est bon. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Tout confondu, hein, avec sous le nom de Renaud Bernal ou sous d'autres noms, hein, si tu veux, avec d'autres groupes ou d'autres musiciens. Mais j'ai dû faire ça. On t'a invité pour accompagner. Pour accompagner, voilà, ou alors voilà, et donc dans ces cas-là, des fois, bah, j'accompagne, ou alors et puis aussi à un moment je chante, quoi. Est-ce que tu pratiques encore à la guitare pour pouvoir peaufiner davantage? Pas assez, vraiment, okay. Vraiment, vraiment pas assez. Parce que t'as pas de plan. Ouais, je deviens un peu feignant. Là, j'ai envie de m'y remettre. En plus, j'ai sonorisé un concert de guitariste qui s'appelle Raphaël Faïs, et Jazz Manouche, guitare Manouche, et avec un autre mec, Daniel Mendes, là, qui est à côté de. Qui est un copain qui est guitariste de flamenco. Là, t'es dit, les mecs. Flamenco, c'est parce que la main est plus non, ils ont, en fait, ils ont trois doigts en plus, les mecs, à la main. Oh, oui, c'est ça. C'est comme Django Reynolds. Ouais, on dirait que lui, il lui manquait un doigt, Il en manquait deux. Deux, ah, mais ça paraissait pas, hein. Mais il a développé son style aussi. Et donc, là, tu te dis, bon, Renaud, il faut que tu reprennes un peu le travail de guitare, quoi. Parce que c'est ton instrument. Bah ouais. Et puis ça me manque physiquement, ça me manque de pas. Je fais un peu trop de studio et plus assez de guitare et de. Et donc, tu peux être partout, comme tu dis. Ouais. Mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Et donc de rejouer à chaque fois, c'est trop propre. Ouais. Prendre la guitare, être au travail, deux trois trucs, tu reviens un peu sur le basique, tu reprends les. Et puis tu refais les chansons, quoi. Non, mais en même temps, ton coup de guitare s'est modifié avec les années, donc tu l'as peaufiné. Ouais. Il y a un travail. Et puis là je me suis acheté une Martine. Okay. Et autant avec l'autre guitare que j'avais, la Taylor, qui était toujours une très bonne guitare, mais j'avais l'impression d'en jouer comme si c'était une petite guitare électrique. Ouais, ouais. Et là, le son. Ça confie un peu ton style. Ouais, bien sûr. Et là, avec le son qui est différent, j'ai qu'une envie, c'est la pensée, tu sais, à la Johnny Cash, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'en plus, l'équilibre chant-guitare se marie mieux. Mais. Donc, je crois que j'ai vraiment travaillé à être plus simple. Vraiment être plus simple pour laisser la place aux harmonies, à la mélodie au niveau du texte et aux harmonies pour les autres, quoi, qui puissent enrichir d'une manière différente. Mais pourquoi tu acceptes de travailler avec d'autres? Parce que là, tu as des projets que tu vas te poser quand tu travailles avec d'autres. Ouais, ça? Mais ça fait des sous. Ok, ah ouais. Ça fait des sous. Ah ouais, c'est ça. Même si tu n'es pas intermittent, tu peux mettre ça dans ton compte Ouais. Pour acheter du matériel, pour acheter du matériel, pour acheter, pour mettre de l'essence. Et donc voilà, mais quoi. C'est de moins en moins difficile pour toi. Tout ça se passe bien. Ben oui. Ça se passe bien. J'ai entre mes trucs de sono, de jouer, tout ça, je m'en sors pas mal. Je m'en sors pas mal. Et puis le fait d'être autonome à la maison, quoi, c'est. C'est un travail aussi qui te le permet, parce que c'est pas un travail du lundi au vendredi. Ah bah non, tu travailles quand tu veux, entre guillemets, quand même. Ouais, quand je veux, ouais. Des fois, je suis un peu feignant, mais. Mais de chez toi, ici, est-ce que c'est une longue distance? C'est quoi, c'est 2-3 heures? Non, j'ai dû mettre 1h30 aujourd'hui pour venir. Ok. Donc, c'est pas méchant. En venant souvent ici, tu connais le chemin, là? En plus, tu connais Montmartre, bah ouais, en passant ici régulièrement. Alors, il y a un restaurant thaï dans la rue derrière qui est d'enfer. Ah, le Luna? Ouais, ouais, ouais. Ben, je suis souvent là. On y mange très, très bien. Super. Et, la bavette est excellente. Les frites sont concaves, c'est merveilleux. As-tu mangé des frites là-bas? Non, non, et j'ai mangé une dorade. Tu commandes le poisson. Oui. Et c'est mariné dans la feuille de vanille. Mais là, tu parles du restaurant Luna, là. Sur Vichy. Tu prends le pont, puis c'est le prochain restaurant sur le coin de la rue. Il est rue Véron. Non, il est rue Véron. Ok, c'est pas le même, c'est d'autres côtés de la rue. C'est une tuerie, quoi. Oui, oui. Alors là, tu connais bien le quartier, c'est ton deuxième chez toi. Ben, on commence à savoir un petit peu... Parce que Boris va là, c'est ça? Bah ouais. Ouais. Ben, c'est là que je l'ai rencontré. La mascotte, là, ils ont repris l'ancienne recette du fish and chips, qui est vachement bon, mais à un moment, c'était plus génial, quoi. C'est vrai. On voulait plus y aller, là, ça y est, ils sont revenus. C'est vrai, c'est vrai. C'est fun. Et puis, ta musique, est-ce que tu trouves que ta musique... Est-ce que tu t'inspires facilement à force de jouer de la guitare ou si tu dois plus te ressourcer? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui parce que on te demande beaucoup Je pense pas. Non, pour l'instant, j'écoute pas assez de musique d'autres personnes, si tu veux. Et quand j'en écoute, j'ai souvent trop un regard critique de par le son, de par les dans la qualité d'enregistrement, des choses comme ça. Mais toi, as-tu une facilité à créer de la musique sans parole, sans rien? Assez. Je... Après que ça soit bon ou pas bon. Facile, non? Ouais, okay. assez vite. Alors par contre, ce qui est génial, c'est que je les enregistre tout de suite, quoi. Oui. Avec ton cellulaire? Avec le. Alors ça reste en mémoire. Bah ouais, okay. Sinon il c'est faut, foutu. Il faut parce que j'ai plein d'idées, mais là pour l'instant je les ai enregistrées, mais je les mets derrière. Ah oui, pour arrêter. Puis après, il va y avoir trop de décalage entre les nouvelles choses et les anciennes. Mais non, je pêche pas, quoi. J'ai pas encore le truc image de la feuille blanche. Ok. Au contraire, j'ai plein d'envie, j'ai plein d'idées. Alors on dirait peut-être que c'est l'influence qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'à force de rencontrer quelqu'un qui pond facilement, on dirait que toi, par le fait même, tu deviens aussi productif que lui. Non, parce que c'est énorme ce qu'il fait, mais ça t'as un côté où qui te permet de, comment dire, d'avoir envie. T'as tout le temps envie, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Oui. Et quand t'as envie, bah, tu fais les chansons, quoi. Puis surtout, ce qui est merveilleux, c'est que depuis qu'on se connaît jusqu'à aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, tu réalises tes rêves. Bah oui, complètement. Et en fait, ça va au-delà de ça, quoi. Le rêve, il est balayé, quoi. Parce que je vais au-dessus, quoi. Et puis, tout ce que j'ai vraiment... J'ai de la chance. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, tout ce que j'ai vraiment envie, ça arrive. Alors ça arrive peut-être pas toujours au bon moment, mais ça arrive. Mais je sais pas si c'est moi qui m'imagine ça, mais on te sent plus cool, plus relax. On dirait que là, la chimique commence à bien rentrer. Sûrement. Ah ouais, tout va bien. Et même s'il y a des trucs qui peuvent être cons, parce qu'il y en a toujours, mais je me sens vachement mieux. J'étais bien entre tes lignes, je n'entendais rien. J'étais bien entre tes lignes, tu ne disais rien. Les heures allongeaient les secondes, nos corps en suspension. Ondes de choc en eau profonde, l'évidence portait ton nom. J'étais bien entre tes lignes, je n'entendais rien. J'étais bien entre tes lignes, tu m'écrivais bien. toute une parenthèse s'invite entre un soir et un matin. C'est une bouche qui insiste pour un simple va-et-vient. Ma main glissait vers l'essentiel, une virgule glisse sous un point. L'envie de toi mise au pluriel, j'ai osé plus loin. Péché véniel, ta main, cette virgule qui prend ce point. C'était doux presque, au début enfin. Que le mieux existe, tu l'as tatoué entre tes seins. Là où le cœur résiste, sans pudeur entre tes reins. Tu baisais en majuscule, trait d'union jusqu'à demain. Un très long temps qui brûle, ce souvenir jusque très loin. Je t'ai bien entre tes lignes, je n'entendais rien. C'est bien entre tes lignes, j'aimais, tu m'écrivais bien. Tu étais bien entre mes lignes, n'efface rien. Je me sens vachement mieux. Tu peux garder en mémoire tout ce qui va bien, donc okay, ça t'aide à pallier ouais. Les petites anomalies de la vie qui sont pour tout le monde. Qui sont pour tout le monde pareil, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont bien. Oui. Et puis, en fait, je vis avec plein de projets. Les projets, ça n'arrête pas. Hein. Et du coup, c'est génial, quoi. Après, qu'ils se réalisent, qu'ils ne se réalisent pas, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais avoir plein de projets, t'as envie d'y aller, quoi. Ça donne. Refuses-tu souvent des choses ou tu te lances des trucs? Non, j'ai du mal à refuser les choses. Est-ce que tu veux apprendre à dire non? Est-ce que c'est ton structure. Alors par contre, si c'est si ça commence à si ça va être trop con, je refuse. Explique-t'en. Par exemple, on me demande d'aller jouer avec quelqu'un et que ça va être au départ, je dis ok, on y va, on essaie de faire un truc. Et aujourd'hui, si c'est ça, tu sens que ça va être une perte de temps, okay. Donc trop con, il faut se sauver quoi. Il faut se sauver. Ou alors j'y vais une fois. Quand c'est trop amateur, tu vois que c'est pas abouti, puis tu vas perdre ton temps. On va pas des choses plus sérieuses. Ouais, parce qu'il faut pas ça qui prennent ça à la légère et ça donne un produit un peu mou, un peu flasque. En fait, après tu te retrouves, tu perds. Tu veux qu'il y ait de la pile versage, tu veux qu'il y ait de la pile. Et puis il faut avoir du respect pour ce qu'on travaille tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Si tu travailles ton instrument et puis qu'en fin de compte tu vas faire un truc où t'en as pas besoin, c'est con, quoi. C'est con. Mais non, je me sens bien, Reynald. Je me sens bien. Sous tes rêves, c'est bien. Ouais. C'est ça. Mais hey, peux-tu me rappeler, parce que ça fait déjà 2 ans, j'ai pas réécouté notre dernière. Qu'est-ce qui t'a fait rencontrer Boris Berman? Le hasard. Il a écrit des chansons, des textes pour un groupe qui s'appelle Newton. Oui. Et on avait la même attachée de presse à l'époque, Sandra Campras, et qui m'a dit, écoute, ça serait vachement bien que tu viennes au showcase. Il y a plein de gens à rencontrer, il y aura Boris Berman. Est-ce que ça te disait quelque chose à Boris Berman? Ça te disait quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais. Et si tu pouvais avoir un texte, ça serait quand même fabuleux. Et j'y suis allé, mais je cote, quoi. Et à la fin du concert, j'étais voir Boris, j'étais me présenter. J'étais le voir en lui disant voilà. Et puis il m'a donné ses coordonnées en me disant appelez-moi, quoi. Et j'osais pas appeler, j'ai envoyé un mail, il m'a répondu, j'ai eu vachement de chance, parce qu'il est pas mail, j'ai renvoyé un mail. Il faut s'éduire non plus. Non, j'ai renvoyé un mail une autre fois, et puis ça l'a fait chier, et donc il a téléphoné, il m'a téléphoné de manière directe, et il m'a dit voilà, moi ça m'emmerde les mails, autant qu'on prenne rendez-vous. Voilà. Et tu l'as rencontré à Montmartre. Et je l'ai rencontré, voilà, le rendez-vous était chez lui. Ok, oh, ok. Donc... Et là, es-tu arrivé avec ta grappe ou Je crois pas que je suis arrivé. Je suis arrivé avec des maquettes. Et on a pris connaissance, on a papoté près de 2 heures. Et puis, le stress n'était pas là? Ah oui. Si, attends, j'ai les chocottes, quoi. Avant d'aller, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller au pipi de la peur. Non, attends. Et quand tu le rencontres rapidement, tu relaxes parce qu'il est tellement serein, il est tellement. Puis il est bienveillant. Humaniste, il est vachement. Ce qui fait qu'il rencontre quelqu'un dans la rue qui lui dit bonjour, monsieur Berman. Il va lui parler. Il n'y a pas la grosse tête. Non, du tout. Ouais. Et donc voilà, mais je les avais comme ça, hein. J'étais là purée. Et puis ce qui est fabuleux, et ça reste toujours en tête, si tu veux, en me disant, ben voilà, si on fait une chanson, je vais écouter. Si ça me plaît, ben je fais un texte, on aura fait une chanson ensemble, et puis si ça me plaît pas, ben on aura passé 2 heures ensemble. Et ça, c'est génial. Et là, toi, tu lui as apporté une musique? J'en ai amené deux. Et puis il a pris la première et il m'a fait un texte dessus. Hey. Qui s'appelle 66. 66. 66. Je t'aime, Sally. Et tu l'as chanté, je crois. Elle est un peu ralentie, elle est plus peaufinée maintenant aujourd'hui. Tu l'as mettre sur l'album, oui. Ça bien sûr. Parce que c'est la première. Puis j'adore cette chanson, quoi. Et celle qui sonne un peu punk rock, entre guillemets, dans le mouvement de guitare, là, rock reggae. Là. Mais il n'y a que ça, il n'y a que moi qui vois ça. Hein. Les autres, il n'y a personne. Tu fais écouter la chanson, il n'y a personne qui va penser comme ça. Okay. Mais dans ma tête, elle sonne comme ça. Elle a cette énergie-là dans ma tête. C'est toi qui l'as créé, hein. C'est toi qui as créé la musique. Je la visualise. Comme ça. Mais avec le groupe, est-ce que ça sonne comme ça? Ah bah non, okay. Non, ça sonne country reggae, entre guillemets. Parce que... Et je vous dis, sur le disque, il y a du banjo, il y a du dobro, guitare électrique, il y a 2 guitares électriques, basse, batterie, clavier, orgue, piano. batterie, bien sûr. Ah oui, bah oui, bah oui. Donc, elle sonne pas du tout comme, comme je la visualise dans ma tête, mais ça m'éclate, quoi. Entre ça et ça, c'est deux, mais toi, dans ta tête, t'es vraiment... Et dans ma tête, c'est toujours la même. Ah oui. Mais quand j'en parle à mon pote Nono, là, le guitariste, il me dit, mais c'est n'importe quoi, tu déconnes, quoi. Oui, oui. Ça y est pas, quoi. Mais ça y est, pour moi, ça y est. Mais est-ce que ton groupe est disponible à travailler autant? Est-ce qu'ils ont laissé quelques... En fait, je les sollicite, je fais vachement le boulot, et je les sollicite juste quand j'ai besoin d'eux. OK. Et, parce qu'ils ont un boulot aussi. Bah, ils sont, ça, la plupart sont... Il y en a deux qui sont intermittents. Okay. Donc, ils sont dans d'autres groupes, dans d'autres trucs, bien sûr. Ouais. Okay. Et mais je les sollicite quand il y a besoin vraiment de les solliciter. Faut vraiment mais tu veux avoir... toujours rester avec le même noyau, parce que vous comprenez, juste un regard, puis il n'y a pas de surprise. C'est vachement bien. J'ai changé de batteur, parce que Philippe Fleuris, tonton, là, qui jouait avec Paul Persson, tout ça, lui, il est tombé gravement malade. Donc il a fait vachement de tension, sa santé n'était pas géniale. Et du coup, il s'est mis en retrait de pas mal de choses, de pas mal de projets. Et donc j'ai pris un autre mec. Et comment tu l'as fait pour le recruter? Par le guitariste qui m'a dit, tiens, j'ai un mec qui est bien aussi, on l'essaye. Donc on l'a essayé, nickel, quoi. OK. T'es-tu bien difficile? Non. Es-tu très difficile avec tes musiciens quand tu fais comme ça, là, quand tu dois choisir quelqu'un? Ben non, parce qu'en fait, il y a un rapport. Il faut déjà qu'on se marre. Oui, OK. Si tu veux, et qu'on se sente bien, que je me sente bien. Parce que si tu te sens pas bien, pour chanter, c'est une catastrophe. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu à être difficile. C'était très bien. C'était très bien. David joue vachement bien. Il est sympa, on se marre. Il est déboué, motivé, attentif. Quels que soient les plans qu'on peut faire, il vient. Est-ce qu'il est dans un autre groupe, lui, aussi? Oui, il joue aussi dans d'autres trucs. Dans le même style ou... Plein de styles différents. Il y avait un truc où il faisait du jazz rock fusion, je sais plus quoi. Okay, et puis alors, voilà. Mais il s'éclate. Le jour, on a fait un concert, on s'est retrouvé avec un gars qui s'appelle Dan. D-A-N, avec qui on avait chanté il y a 25 ou 30 ans, si tu veux, ils jouaient ensemble. Et on a fait un concert rockabilly tout le soir ensemble. Ça, c'est bon. Et il était venu avec nous, on a pas de répète, hein, 3-4 on y va, à l'arrache. C'était génial, quoi. Et il a suivi super, le bassiste pareil, qui était un autre bassiste, là, Paolo Cucina, je crois. Allez hop, on y va, quoi. Et c'était vraiment, vraiment marrant. Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est aujourd'hui, si tu veux, je prends vachement plaisir à jouer. Et à revenir à quelque chose de, voilà, on s'amuse. De plus simple et de plus... ludique, parce que il faut avoir du plaisir, parce que le public, eux, veut sentir ça. Tout en essayant d'être de plus en plus pro dans la qualité, dans la reproduction, dans le son. C'est vrai. Parce que ben là, il n'y a pas photo. J'ai 10 questions. Bien sûr, ouais, vas-y, ça marche. On va voir si ça a été modifié. On va faire le lien plus tard à la radio. On va bien voir s'il y a une évolution ou une fixation sur certains thèmes. Et si tu étais un liquide. Un liquide, je pense que tu l'as déjà dit. Oui, c'est les 10 mêmes. On change pas. Peut-être que c'est ta façon de répondre qui va changer, parce que c'est pas le même liquide. Un liquide? Oh, j'ai envie de dire un vin blanc. Tu vois, j'ai l'image du vin blanc un peu sirupeux. C'est Ouais, ça va être ça. Et il y a deux jours, j'ai bu un vin blanc d'Alsace qui était délicieux. Okay. Et je crois que j'ai le visuel de l'image dans le verre, qui était assez grand, si tu veux, avec le côté, comme c'était un vin un peu sucré. Toi, j'ai le mouvement quand je te parle avec la main. Ben oui. On dirait que c'est un cognac, qui était un côté très or, couleur or au niveau du vin. Ouais. Donc voilà, vin blanc. Doux, pas trop corsé. Doux, un peu doux. Okay. Ouais, vraiment, tu sais, les vins d'Alsace, quoi. On goûte le soleil. Si tu étais une ville. Une ville. Ce serait pas Paris. Je trouve que j'ai de moins en moins de plaisir dans Paris. Une ville. Ouais, j'ai envie de retourner à Londres. Mais j'ai envie de découvrir Tokyo aussi. Tokyo? Ouais. J'ai envie de retourner à Londres. Pour visiter ou pour faire des spectacles? Oh, bah si je pouvais aller jouer en Japon, je serais le roi du monde. On sait jamais. J'aimerais vraiment faire des concerts là. Mais je connais pas et j'ai envie de connaître. Hein. Alors Tokyo. Ouais, Tokyo, on va dire. Puis en plus, c'est une autre langue, donc c'est une autre façon de voir la vie. Bien sûr. Là, en ce moment, je lis un bouquin qui s'appelle... Attends, le temps anglais, c'est quand même pas mal. Ouais. 1Q84, c'est de Akira... Ah oui, c'est pas la trilogie. Ouais, c'est ça. Ah oui, bah oui, bah oui. Voilà, ah ouais. Là, je me régale. Ah oui, oui, bah j'arrive oui. pas à dire le nom en entier, mais. Non, ouais, mais ça c'est ouais, effectivement, ouais. Mais c'est un best-seller. Bah ouais, ouais. T'as envie d'y aller, quoi. Bah oui, mais c'est. Ah bah ok, ça t'a inspiré. Bah voilà, c'est pour ça que je t'ai dit Tokyo. Si tu étais... Est-ce que le fait de lire te ramène de la musique? Oui. Ouais. Et surtout, aussi un dernier bouquin que j'ai lu aussi, c'était un bouquin de Dionysios, Une sirène à Paris. Oui. Et tu vois qu'il fait des chansons, mon mec. Hein. Toutes ces phrases courtes, et pareil dans la trilogie japonaise, là, c'est des phrases courtes. Et du coup, ça amène vachement de percussions. De... Ouais, ouais. Et au niveau de la musique, putain, t'as plein de trucs qui arrivent derrière, quoi. Ouais, c'est bien écrit, c'est. C'est inspirant. C'est inspirant. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue, ça je m'en rappelle. Oui. Bah, le French Kiss. Hein. Non, le French Kiss, ouais, bah, oui. Si tu étais une époque. Une époque. Ça, je pense que j'ai dû changer là-dessus. Tu sais, je connais cette fille. Elle est blonde, assez jolie. Chemisier de soie sexy. Ballon aiguille, parisie. Mais crois-moi, méfie-toi. Tu peux sourire, mais elle t'aura. Elle casse tout, elle casse tout. Crois-moi, elle s'en fout. Elle casse tout, elle casse tout. Et c'est moi qui paye tout. Adorable américaine, qu'on brûle en peinture or et sang, remplissante de plaisir. Ne t'inquiète pas, elle va la détruire. Si tu lui passes tes clés, elle ne va jamais, jamais les retrouver. Mais don't worry, c'est pas de sa faute. Seulement de la tienne et puis celle des autres. Elle casse tout, elle casse tout. Crois-moi, oui, elle s'en fout. Elle casse tout, elle casse tout. Et c'est moi qui paye tout. Elle s'en fout, elle s'en fout. Tu verras comme elle s'en fout. Elle s'en fout, elle casse tout. Avec tout ça, tu deviens fou. Elle le laisse par terre. Dis-toi bien qu'il n'y a rien à faire. On peut vraiment pas la changer. Elle ne fait qu'une chose, c'est tout casser. Elle casse tout, elle casse tout. Tu verras comme elle s'en fout. Elle casse tout, elle casse tout. Et c'est moi qui paye tout. Elle s'en fout, elle s'en fout. Elle te verra, elle te rendra fou. Elle casse tout, elle casse tout. Et c'est toi qui paieras tout. J'aime ma maturité, si tu veux, mais l'époque où on vit, elle est quand même dure. Donc, il faut que je sois, moi, avec ce que j'ai aujourd'hui, moi, autre part déplacé comme ça. Et là, j'avoue, J'avoue, pas bien savoir, parce que sur le visuel, ça pourrait être vachement sympa, si tu veux, mais dans le réel, je sais pas. Années 50, non ? Je crois que j'irai chercher dans ce truc-là, et puis les premières Gretsch, les premières Gretsch, et puis leur dire, je connais ta chanson, mec. Mais on va faire un groupe, et on va jouer. Tiens, dans 6 mois, tu vas écrire ça, tu vois, ça va être bien. Ouais. Est-ce que t'es fidèle comme amateur de musique à des groupes ou à des chanteurs ? Tu attends la venue de l'album Alors là, je suis un grand fan des Stray Cats, si tu veux. Donc là, ils ont fait une tournée, j'ai acheté l'album, hein, bien sûr, mais j'ai pas été au concert, j'ai pas eu envie d'y aller. Okay. Alors qu'ils sont en plus, tout le monde est ravi. En fait, j'ai aimé la fin de l'album. Okay. J'ai trouvé que le début de l'album, bon, d'accord, là, et sur la fin, tu sens que les mecs ils rentrent dedans. Et puis j'ai acheté la version luxe, et t'avais deux bonus tracks. Ok. Un disque, le bonus. Sur le même disque, il y avait deux chansons en plus, et là c'était une tuerie, quoi. Et là j'étais là, ouais, c'est mon groupe, quoi. Je suis toujours fidèle à Lee Rocker, I Love It. Un groupe que j'aimais beaucoup, c'est les Bare Naked Ladies, mais j'aime moins. Okay. Tu sais, le chanteur, c'est Steve, il y a un chanteur qui est parti. Et du coup, le groupe, il est moins... On sent moins. Je m'ennuie. Okay. Alors, j'achète toujours le groupe, les disques, parce qu'ils m'ont donné tellement de plaisir que je veux continuer à être fan. Alors, tu crois à chaque fois que ce sera l'album, mais c'est toujours décevant, parce qu'il manque un membre, peut-être. Ouais. Et puis, ils tournent en rond, c'est plus le même esprit, Est-ce que tu es difficile? Stephen Page, qui est parti. Est-ce que tu es difficile quand tu écoutes des albums ou tu es très réceptif? Parce que toi, tu es musicien. Je suis vachement difficile. Ouais. Et souvent, en plus, quand je les écoute souvent en studio. Le son est très, très... Et ça, c'est... Je ne sais pas si c'est à faire, parce qu'en fait, il y a plein de disques qui sont super bien enregistrés, donc tu vas t'éclater. Et il y a quand même des mecs qui se foutent de la gueule du monde, quoi. Alors surtout quand ils ont une renommée et donc des moyens. Et quand tu les écoutes au studio, niveau égal, même enceinte, tu pleures, quoi. Il y a des trucs, oh là là, c'est pas possible, quoi. Les mecs, les boules, quoi. Les boules. Mais... Alors t'es fidèle à certains groupes, à certains chanteurs. Ouais, je reste fidèle à... Même si c'est pas bon l'album, s'ils en sortent un autre dans 2 ans, tu vas toujours... On sait jamais. Ouais, et puis ils m'ont donné vachement de plaisir, si tu veux. Donc je peux pas les oublier parce qu'ils ont... Il y a toujours 2-3 pièces qu'on va apprécier quand même. Là, bien sûr. Il y a toujours des trucs et puis des sons. Puis tu vois l'évolution du groupe, c'est quand même aussi vachement intéressant de voir l'évolution de groupes dont t'es fan, quoi. Ça c'est clair. C'est vrai. Mais ouais. Si tu étais un mot... Un mot? Oh. D'accord. Si tu étais un aliment? Un aliment? J'ai changé mon alimentation. Pourquoi? Tu t'entends trop bonne... J'essaie de faire un peu gaffe, quand même. Mais j'ai découvert d'autres restaurants, d'autres... Manges-tu beaucoup dans les restaurants ou tu préfères faire de la bouffe à la maison? J'aime bien cuisiner, quoi. Enfin, j'aime bien la bouffe faite maison, ou du moins en tout cas sans chichi au niveau de la cuisine, parce que c'est pas, je sais pas faire, mais que des bons produits. Puis je vais à la campagne, quoi. Ouais, donc, c'est ça, donc les fruits, les légumes sont frais, tout est bon. Les tomates, c'est des tomates de compète, quoi. Des fois, je vais pas les cueillir parce qu'il y en a qui le font très bien pour moi. Mais j'ai pas le temps, donc. Mais c'est pas mon truc. Est-ce que ta copine te cuisine de la bouffe? C'est la même que j'ai rencontrée il y a 2 ans? Non. Donc, qu'est-ce qu'elle te fait? Même prénom, non. On fait des petits trucs à bouffer, mais pas de... C'est le même prénom, mais c'est tout. Ah, mais c'est fou, hein, tu cours après les prénoms. Si tu étais un aliment... Sinon, j'irais une tomate, parce que c'est dans la saison tomate, et en ce moment, les tomates, elles sont d'enfer. Il faut faire attention pour ne pas s'en faire tirer. Ouais. C'est quand même intéressant, là. C'est bon, la tomate, mais pas savoir, parce que ça veut dire que le matériel n'est pas très, très abouti. Si tu étais une saison... Une saison... ça, je me souviens de cette question-là. Aujourd'hui, je vais dire le printemps, toi. Ouais. C'est plus frais, hein. Ouais. Puis t'y vas, quoi. T'as réfléchi pendant tout l'hiver, et on y va, quoi. Et à mon avis, j'ai pas dû dire ça. Non, l'hiver, non. Le printemps, je sais pas, je suis pas certain. Ok. Mais T'es moins été, là. Ah bah, je suis pas automne, je suis pas hiver, je suis en mode, c'est je suis dans les, la naissance. La naissance, l'éclosion, quoi. Ouais. Mais t'es en plein dedans, en plus, dans ta création. Bah, c'est pour ça que je dis ça. C'est, ça, ouais. C'est une belle métaphore. C'est bien. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Oh, une main. La main. Bah oui, ouais. C'est une guitare. Pas de main, pas de guitare. Hein. Pas de chocolat, donc. Pas de chocolat, pas de serrant, pas. Ah, c'est une barre. Ouais, non, la main. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Le moment de la journée, c'est pas le réveil, ça serait alors ça serait peut-être plus le crépuscule si tu veux, nocturne, mais ça serait qui doit correspondre au moment où tu as fini tout ce que tu as à faire dans la journée. Okay. Et tu bascules sur l'autre partie où tu peux où c'est pour toi. Ça sent l'apéro. Pas spécialement, mais mais ça pas peut, loin, pas loin. Mais on peut boire un coup. Mais si tu veux. Puis l'action est quand même en train de ralentir. Voilà, en fait, la journée s'est ralentie. T'as fini tout ce que t'avais à faire. C'est ça. Si t'avais à mixer des trucs, à enregistrer des trucs, ou ranger des câbles, ou qu'importe, si tu veux. T'as fini ton truc. Mais travailles-tu n'importe quand, toi aussi, t'es vraiment. Bah oui, non, je travaille n'importe quand. Ah, ouais. Et, alors, il y a des choses que j'essaye de faire le matin, le soir, mais sinon, des fois, après, suivant l'urgence du calendrier, tu t'adaptes. La bureaucratie, c'est plutôt le matin, c'est ça? Ou alors, c'est quand, par exemple, tu sais, quand j'ai enregistré plusieurs prises, et puis à un moment, tu dis laquelle, t'as la tête qui est comme ça, tu vas faire de la paperasse. Ok, c'est ça. La bureaucratie pour la femme, malheureusement, c'est le comité des. C'est là, voilà. Donc, pour me nettoyer les oreilles, si tu veux, je vais faire des trucs comme ça. Quoi. C'est vrai. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Oh putain. Pour déconner, je dirais Elvis. Mais, Mais sa fin est tragique, donc. Mais attention. Ouais, mais quel chanteur. Oui, c'est vrai. Et quel aussi, quelle présence. Oh, là, quel mec. Beau mec, chanteur, comme ça. Puis. Je suis bien dans ma tête, hein. Donc je sais pas si tu veux, j'ai pas. De plus en plus, en tout cas, on le voit. Hein, j'ai pas envie d'être dans une autre personne, non. Copain avec Elvis, ouais. Et ses musiciens. Oh putain. Oh, là, là. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Que qui? Que. Que toi. Que moi? Oh, je ferais des choses différentes. Il y aurait des choses qui auraient été différentes. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais essayé de composer plus tôt. J'aurais essayé de penser moi plutôt que de me cacher derrière un groupe. J'aurais essayé d'être plus lucide vers les gens qui m'aiment. Okay. Et qui m'entourent. Plus attentif peut-être. Ouais. Mais lucide aussi, tu vois. Dans l'attentif, je pense que l'attention, j'ai dû l'en donner, mais lucide dans l'amour qu'il pouvait me donner, est-ce que j'étais vraiment. Est-ce que je le visualisais vraiment bien et est-ce que je ne me suis pas toujours bien comporté avec les gens qui m'ont aimé ou qui m'aiment. Donc j'essaierai de gagner du temps. J'essaierai de gagner quelques années ou une formule différente, tu vois, pour. Je vais passer la cinquantaine pour ça. J'ai 54. 52, et donc voilà. C'est pour ça que je pense que j'essaierai de gagner du temps, de moins me perdre, si tu veux, de moins me perdre. D'être plus centré. Ouais, être concentré, avoir plus de concentration, moins me perdre. Et pas me disperser comme j'ai pu me disperser dans tellement de projets, de personnes, de trucs cons. Je me suis vraiment dispersé. Mais tu le fais aussi un peu là, en jouant avec des groupes, mais c'est quand même de l'argent qui rentre. Il y a les sous qui rentrent, quoi. S'il n'y avait pas les sous, je crois que je n'irais pas. Ouais. Même si j'aime la rencontre musicale, des fois ça demande quand même beaucoup de temps. Et je crois que s'il n'y avait pas le côté rémunération, même si je ne vais pas jouer pour l'argent, mais je suis content de le prendre, ça me permet de faire tout le reste derrière, quoi. Parce que quand par exemple il y a des dates où il faut payer les icônes, il faut payer tout le monde, quoi que ce soit. L'essence, quoi. Je l'ai retrouvé. Putain, tu comprends les. Pas pour tout, mais les gilets jaunes, je pouvais les comprendre pour l'essence, hein. Putain. Ouais. Oh, ouais. Ça, c'était un truc de fou, quoi. Et puis en plus, il n'y a pas de camionnette non diesel pour transporter du matériel, c'est que des véhicules diesel. Donc, comment tu fais, quoi? Tu viens plus jouer à Paris, quoi. C'est ça. C'est un peu con, quoi. Mais

souviens-tu mieux que moi de ces moments passés là-bas, de ces moments passés, passés loin des froids. Impressionnant comme le temps peut l'espace d'un instant effacer ce qui a été notre présent. C'est à croire que mes souvenirs ont perdu tout leur beau sourire. Ils semblent trop loin pour moi à se demander si j'étais bien là. On pourra peut-être continuer à se parler, à se regarder, mais les bons moments nous auront échappé. Plus jamais on en reparlera, ils s'éteindront chez toi, chez moi. Plus personne ne chantera dans ces voix-là. C'est à croire que nos souvenirs ont perdu tout leur beau sourire. Ils sont trop loin pour moi à se demander si j'étais bien là. Impressionnant comme le temps peut l'espace d'un instant effacer ce qui a été notre présent. C'est à croire que mes souvenirs ont perdu tout leur beau sourire. Ils semblent trop loin pour moi à se demander si j'étais bien là. Te souviens-tu mieux que moi de ces moments passés là-bas? Impressionnant comme le temps ou l'espace d'un instant. Jamais on en parlera, ils s'éteindront chez toi, chez moi. Impressionnant comme le temps peut l'espace d'un instant effacer ce qui a été notre présent. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.